Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne reverra jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui déjà disparaît, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et si belle qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage, dont les yeux, charmant paysage, vous font paraître court le chemin, qu'on est seul, peut-être, à comprendre, et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises auprès d'un être trop différent, vous ont, inutile folie, laissé voir toute la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espoir d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs aperçus, à tous ces baisers qu'on n'osa pas prendre, à tous ces cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on ne reverra jamais. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on ne reverra jamais.